Bah, on peut se parler de la définition du jour, peut-être. Ah, la définition du jour, oui. Qui est en fait très en lien avec un des concerts hier de l'Ensemble Zéro. Oui. Je vais vous passer un petit extrait, mais comment c'était prenant, comment ça nous a emmené. Ces espèces de... Attention les oreilles. Et voilà, on est en forme, on est en joie, et je vais vous parler donc du rythme. Tiens donc, quelle surprise. Quelle surprise. Mais en fait, effectivement, ça m'a fait penser à ça, et dans la musique, je crois que le rythme est très important, mais qu'est-ce qu'est vraiment le rythme ? Alors, le rythme est la répétition régulière ou structurée d'un phénomène, son mouvement, élément visuel, dans le temps ou l'espace. Il organise des éléments forts, faibles ou longs, bref, définissant une cadence, une allure ou une mesure. Il s'applique à la musique, la poésie, la biologie et aux activités humaines. Parce qu'en fait, le rythme, effectivement, on le retrouve un peu partout et pas seulement dans la musique. Ah bon ? Mais où ? Bah, j'aurais envie de dire dans la danse, mais en fait, dans notre façon de parler aussi, oui. Dans l'écriture, dans... la vitesse à laquelle tu mets tes chaussures le matin avant de, oui. avant de courir à Archipel parce que tu vas louper le concert. Non, mais voilà, c'est... Voilà, c'est vrai. C'était une inquiète vraiment en rythme aussi. Mais c'est vrai que le rythme, je trouve que c'est, voilà, c'est assez intéressant, c'est important. Et on le retrouve... Est-ce qu'on a le sens du rythme, Antoine ? Est-ce que j'ai le sens du rythme ? Oui, est-ce que toi, tu as le sens du rythme ? Est-ce que tu te sens en rythme avec l'harmonie de la vie ? Alors, je crois que la partie supérieure de mon corps, qui va à peu près jusqu'au haut des épaules, sent bien le rythme, enfin, ou en tout cas le sentiment du rythme. Mais le problème, c'est que cette partie-là a de la peine à le transporter dans mes membres. Okay. Donc, j'ai parfois des sensations un petit peu délicates ou un peu divergentes, enfin, entre ce que je pense ou ce que j'entends et ce que je comprends, et puis ce que mes mains ou mes jambes réussissent à faire. Mais avec l'entraînement, avec le temps qui passe, on arrive à quelque part reprendre ou sensibiliser les autres parties de notre corps à tout ça. Et toi, Jeanne ? Bah, moi, je pense pas, en fait. Oui. Je pense pas, parce que j'ai essayé, tant bien que mal, de faire certaines danses, en fait, ou certains. Voilà, pour être en accord, en fait, il faut vraiment être en accord avec le corps et le son qu'on entend. Et je vois bien que j'ai pas le sens du rythme, mais je crois qu'il y a la partie gauche de mon corps et la partie droite de mon corps qui répondent pas forcément de la même façon. Okay. Donc, je pense que je n'ai pas le sens du rythme. Et j'ai essayé de m'exercer à la batterie aussi, parce que c'est un instrument que j'aime beaucoup. Mm-hmm. Et ça marchait pas très bien, parce que là, il faut quand même un sens du rythme assez élevé, quoi. Bon, il faut aussi y passer. Peut-être beaucoup plus de temps qu'un petit mois, voilà. Que de décréter après trois essais infructueux. Quatre. Okay. Oui, donc voilà. Mais et puis après, ben le rythme, c'est aussi quelque chose de biologique. Enfin, on a à l'intérieur de nous un petit métronome. Un petit métronome. Alors ça, c'est intéressant. Le cœur. Le cœur. Poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc. Et ça nous rappelle aussi la pièce d'hier, en fait, de Laurie Spiegel, toujours cet Ensemble Zéro, voilà, qui nous a pas mal marqué. Et j'ai cru, d'ailleurs, j'ai cru comprendre que si le cœur battait de façon trop régulière, c'est-à-dire vraiment sur une pulsation équivalente trop longtemps, c'était peut-être c'était pas forcément bon signe. Donc le fait d'avoir un cœur qui varie, qui a finalement cette fonction de battement, mais qui est un peu arythmique, c'est peut-être paradoxalement un signe de bonne santé par rapport à ce que nous, on se représente comme étant quelque chose qui marche, simplement parce que... Parce qu'on n'est pas très stable aussi, je pense, émotionnellement. Faut pas oublier qu'on était des archipels et que... Et que je pense que le cœur va aussi au rythme de nos émotions, n'est-ce oui, pas ? Oui, alors évidemment, cette radio a son petit secret de fabrication. Et c'est pour ça que ça marche si bien, voilà. Voilà. Big up au TD Archipel. Oui.